c'était joyeux. Les amours chuchotent et rient sous la lune pour eux. Certainement que les étoiles ne brilleraient pas, tout est confus. Toute ma vie s'est arrêtée quand je t'ai perdu. Jour après jour, j'attends ton retour. Personne ne peut dire s'il y a espoir. La vie continue. Toute ma vie s'est arrêtée quand je...